Je rappelle le titre de votre très beau livre « Marche avec les loups » aux éditions de La Salamandre. Les photos sont de Bertrand Bodin. Merci à vous, Jean-Michel Bertrand. Merci de m'avoir invité. Dans un instant, nous mettrons le cap sur Titan et quelques autres lunes lointaines de notre système solaire avec l'astrophysicienne Athéna Kousténis. Du vent dans les synapses, deuxième heure, c'est juste après le flash.